Chapitre 19. Le lendemain, Rose invita les trois aînés des Waters à déjeuner, et dès que le trio apparut, les regards de Mme Sellers et de Judith se croisèrent. L'une ne vit que le pendentif, l'autre la bague de saphir. Ce fut muet et instantané. Judith ne dit rien, mais Blanca, comme Rose se penchait pour l'embrasser, prit la main de son hôtesse avec un cri d'admiration. « Une bague neuve, quelle merveille! Je ne vous la connaissais pas !» Rose sourit et flatta de sa main libre la joue de la petite. « Tu n'as pas les yeux dans ta poche, » dit-elle. « Mais tout le monde a eu son petit cadeau de Venise. J'avais bien droit comme les autres. » Blanca sourit et montra à son poignet un gland de cristal rose. « N'est-ce pas qu'il est joli, mon cadeau? Il n'y a personne qui sache les choisir comme Martine. » « C'est bien ce que je me suis dit quand il m'a fait voir hier soir le cadeau de Judith. » Elle se tourna vers celle-ci, mais sans l'embrasser. Elle réservait ses caresses au petit et se borna à lui mettre la main sur l'épaule. « C'est un amour que ce bijou. Je n'ai jamais vu le pareil. Ce n'est pas vénitien, je crois. Peut-être du baroque espagnol. C'est déroutant. Vous avez de la chance, ma petite, d'avoir un connaisseur pour vous déterrer des cadeaux. » Ce fut tout. Un déjeuner très gai, simple, sans trace de malaise, plein d'abandon et d'éclats de rire. La maîtresse de maison, toujours parfaite, était exquise pour Terry et Blanca. Le petit l'intéressait. La petite, Boyne le sentait, la flattait en ouvrant sur elle de grands yeux. Avait-elle remarqué l'éclair sombre du regard de Blanca pendant qu'elle faisait l'éloge du pendentif? Boyne aurait mieux fait de le donner à la petite et d'offrir à sa sœur la bricole de 4 sous. Qu'il aurait enchanté parce qu'elle venait de lui. Enfin, il ne faisait que des gaffes avec les femmes. Cependant, Terry parlait de ses livres et racontait à Mme Sellers qu'il avait déjà retrouvé la citation de Browning. « Vous savez, c'est beau vers que Boyne a dit à Judith. Elle est rentrée en les récitant tout le temps de peur de les oublier. Et elle m'a réveillée pour les chercher dans le livre avant d'aller se coucher. C'était si beau, ces vers, la nuit, dans la montagne, à l'heure des étoiles. » Reprit la jeune fille avec ravissement, tandis que sa sœur ajoutait. « Elle est rentrée si tard que nous étions au lit, et qu'il a fallu que Scopy descende lui ouvrir. Martine, avez-vous vu Scopy en papillote, ou étiez-vous partie quand elle a ouvert ?»« Oui, le crépuscule en montagne est un spectacle qui en vaut la peine, » dit Mme Sellers en regardant au fond des yeux de son amie, puis elle continua en s'adressant au petit garçon. « Mais il y a bien mieux que cela dans Browning. Apporte-moi ton livre demain, je te montrerai. » Boyne, en reconduisant les enfants après le déjeuner, s'émerveillait du tact de son ami, ce fameux tact, tantôt rafraîchissant comme une brise, tantôt redoutable comme une armée en bataille. Au tournant de la route, l'omnibus apparut. Boyne y fit monter les jumeaux et revint à pied avec Judith. Presque aussitôt, la jeune fille demanda « Vous êtes fiancée avec Mme Sellers, n'est-ce pas, Martine ?» Cette question lui donna un coup. Il n'avait jamais parlé à son amie du moment où elle souhaiterait publier leur fiançailles. « J'aurais dû lui demander son avis, » se dit-il. « Je suis vraiment trop étranger aux convenances. » Il regarda Judith avec impatience. « Qui diable vous a fourré une pareille idée dans la tête ?»« Dame, vous lui rapportez une bague de Venise. Elle la porte au doigt où se mettent les anneaux de fiançailles. »« Ah, c'est à ce doigt-là, » dit-il en cherchant à gagner du temps. Et puis, pour couper court, « C'est vrai. » « Je suis fiancé à Mme Sellers, mais elle préfère que cela ne se sache pas tout de suite. » Il pouvait se passer tant de choses sur le visage de sa voisine qu'il ne se sentit pas le courage de le regarder avant de s'être calmé lui-même par une étude soutenue du paysage. En se tournant enfin vers elle, il reçut le sourire illuminé de son visage et de bras filiaux qui se jetaient à son cou. « Mon bon vieux Martine, que je suis contente. Si c'est vrai que vous êtes tout à fait heureux. » C'est donc Blanca qui avait raison. Comme ça doit être bon, l'amour. Car c'est par amour que vous vous mariez. Vous êtes très romanesque, au fond, avec vos airs bougons. Vous ne feriez pas un mariage d'argent, ou encore, pour régulariser une vieille liaison. Régulariser? Quelles idées vous vous permettez, et quelles expressions? Vous ne sentez donc pas que le premier besoin d'un homme, c'est de pouvoir respecter sa femme? La jeune fille parut intriguée. Si, j'ai vu ça dans les livres et puis au cinéma. Mais j'aurais cru que le premier besoin était de s'embrasser. » Boyne haussa les épaules. « On ne peut pas causer avec vous. Vous n'êtes qu'un enfant. Madame Sellers est la plus exquise, la plus parfaite. » Il se tut, comprenant que ce panégyrique n'était pas dans le ton. « Ce que je puis vous dire, ce que jamais je n'aurais pris sur moi de me charger de vous si elle n'avait pas été là. » La jeune fille s'assombrit. « Alors, elle va rester avec vous tout l'été ?»« Je le souhaite, de tout mon cœur. La présence d'une personne comme elle... »« Allons, nous n'avons pas le temps de nous amuser. Madame Sellers m'attend à la poste. » Il se sentait pris d'une sourde irritation qu'il ne pouvait s'expliquer. Dans l'ombre, sous la surface extérieure de son esprit, il sentait la présence d'une irritation inavouable. Était-il donc déçu par la sincérité des compliments de la jeune fille ? 5 minutes plus tôt, il aurait juré que cette assurance était la seule chose qui manquait à son bonheur. Il ne souhaitait que la preuve que cet enfant était toujours une petite fille, la plus enfant de tous, comme il l'appelait toujours en parlant d'elle à Rose. Est-ce qu'il s'était trompé ? Ou est-ce elle qu'il voulait tromper ? Il fut tiré de sa rêverie, la jeune fille lui touchait le bras. « Pourquoi êtes-vous fâché, Martine ? Vous savez bien que je veux tout ce qui vous fait plaisir. » « Fâché ? Quelle plaisanterie ! Seulement, rappelez-vous que c'est encore un secret. » « En somme, il vaut mieux qu'elle le sache, » se disait-il. « Cela nous épargnera un tas de cachotteries. » Il était sûr de la discrétion de la jeune fille, même sans la pression significative de son bras et sans le rituel sur le livre à Scopie, qui était le serment de la tribu. Cette discrétion précoce, Boyne en avait eu souvent le cœur serré. Cela voulait dire, hélas, que la petite en avait tant vu. En cet instant, il y voyait une assurance de paix. Peut-être qu'il n'est pas mauvais de ne pas élever les enfants dans du coton. Cela peut se défendre, car ce n'est décidément qu'un enfant, se répéta-t-il avec une obstination singulière. Le soir, comme il causait de toute autre chose avec Madame Sellers, elle lui posa la question. Les petits étaient-ils au courant de leurs fiançailles ? Boyne marmotta. Je ne me suis pas cru permis d'en parler à personne. Mais on a deviné ? Oui, Judith, pas plus tard qu'aujourd'hui. Je ne comprends pas ce qui a pu. Mais c'est ma bague, voyons. J'aurais dû y penser, c'est absurde. Mais peut-être que cela vaut mieux ainsi. Je préférais pourtant que cela ne s'ébruitât pas, au moins pour le moment, à cause de tante Julie. Je n'ai pas encore de ses nouvelles. Boyne, soulagé, exprima son complet acquiescement. Et puis, continua-t-elle, c'est gentil d'avoir un secret à nous deux, notre secret. Nous n'en dirons rien. Même à M. Daubry. Surtout pas à M. Daubry, reprit Boyne. M. Daubry arriva le surlendemain. C'était un monsieur qui approchait de la soixantaine, quoiqu'il se montrât encore vert et agile. Tout en lui était tact, effacement, discrétion. Mais il avait une manière de vous céder la place, qui laissait derrière lui une atmosphère plus encombrante que n'eût été un corps massif. Un gros homme en chair et en os, qui se serait vissé dans votre meilleur fauteuil, vous aurait moins gêné que cette mince silhouette polie et évasive. M. Daubry était descendu, non à l'auberge, mais au palace où Boyne avait dîné un soir avec son ami. De là, en 5 minutes, il montait au chalet, à moins que ses instances ne contraignissent Rose et Boyne à descendre au palace. Cette façon de rendre les invitations du tac au tac était un article fondamental du code de M. Daubry. L'hospitalité lui semblait, comme l'argent, une chose qu'un homme comme il faut ne reçoit qu'à condition de la rendre plus tôt, et cette vue obligeait Rose à accepter toujours ses invitations jusqu'au moment où, dans cette bataille de bienséance, elle demeura victorieuse et réussit à lui faire entendre qu'elle préférait recevoir plutôt que de sortir. La bague de saphir avait disparu. Grâce à cette précaution bénie par Boyne, celui-ci n'était plus aux yeux du visiteur qu'un vieil ami de la maison, une connaissance de New York rencontrée autrefois aux soirées des Sellers et avec qui il était plaisant de renouer. Boyne s'expliquait sans peine la visite de M. Daubry et l'accueil que faisait Mme Sellers à un homme qui lui apportait des nouvelles de sa tante et l'annonce d'une transaction favorable dans la succession de son mari. D'abord, il avait craint d'avoir à changer des habitudes qui lui était agréable. Mais bientôt, il s'aperçut que la présence de M. Daubry lui laissait plus de liberté pour voir ses petits amis. Il constata alors que depuis quelque temps, il s'était laissé prendre beaucoup de cette liberté, et il éprouva, en la recouvrant, un mouvement de joie qui aurait dû l'inquiéter. Il insinua à Rose que l'avocat, venu parler d'intérêt avec une cliente, trouverait un peu étrange la présence d'un tiers dans cette discussion. Et, fort de cet argument, il se mit en devoir d'arranger son temps à son gré. Cette libération donna une saveur nouvelle au moment qu'il passait avec la jeune bande, et pour M. Daubry, avec qui les petits n'avaient eu qu'un contact rapide et terrifié, son personnage fut le bienvenu pour servir de thème au jeu que les enfants demandaient à Boyne d'inventer. « Le petit nom de M. Daubry, leur dit-il. Connaître ce nom-là a toujours été ma secrète ambition, mais je n'avais jamais eu la chance de savoir même la première lettre. Mais voilà que j'ai lu ses initiales sur sa valise, A, D. C'est un bon point de départ. » Et un jour que Judith lui disait, « Comme vous êtes distrait. » C'est, lui répondit-il, que toutes mes facultés sont absorbées dans le problème de ce nom de baptême. Madame Sellars doit le savoir, vous n'avez qu'à le lui demander. Pourquoi voulez-vous qu'elle le sache? Cela m'étonnerait beaucoup. Elle dit que c'est un vieil ami, presque aussi vieux que vous. Je ne suis pas convaincu. Je me demande si personne sait le petit nom de M. Daubry. Comment le saurait-on? Peut-on se figurer quelqu'un l'appelant par son petit nom ou lui demandant de le lui dire? À votre place, j'essaierai, dit la jeune fille qui n'avait aucun goût pour la spéculation. « Demander à Madame Sellars, jamais de la vie. Et s'il le savait, où serait le plaisir ?»« C'est vrai, » cria Terry en se mettant de la partie. « Il ne faut rien lui demander avant d'avoir épuisé tous les autres moyens. À la bonne heure. Toi, tu comprends les règles du jeu. Procédons maintenant par élimination. Je commence. Abel. Abel, c'est bien le premier nom propre de l'alphabet. Non, il y a un prince âgé de Danemark. Je l'ai lu dans le journal. » dit Terry au comble de la joie. « Bon, commençons par âge. Quelqu'un voit-il, M. Daubry, baptisé âge ?» Le nom danois fut écarté par un cri incrédule. « Eh bien, continuons. Je reprends Abel. Abel Daubry. Ne vous pressez pas. Tâchez d'examiner la chose dans un esprit de pondération et d'impartialité. « Non, non, pas Abel, » fit le cœur. « Moi, je vais faire un somme, » dit Judith, en s'étendant de tout son long sur l'herbe brûlée où campait le petit cercle. « Faites donc. »« Pour ce qu'elle nous sert, » fit Boyne. À la suite. « Adam ?»« Adam, c'est un nom polonais. »« Qui était-ce, Adam ?» dit Judith en rouvrant les yeux. « Quelque héros national, » dit Blanca en ayant l'air de réfléchir. L'institutrice, perchée un peu plus haut sur le tertre, coupa ses conjectures. « Voyons, mes enfants, ne dirait-on pas que je vous ai élevés comme des petits sauvages ?» Adam. Oui, celui de la Bible. Mais les parents de M. Daubry n'ont pas été cherchés si loin, dit Blanca en haussant les épaules. Sans compter, ajouta Zini, qu'il était mort depuis longtemps, et qu'il n'aurait même pas pu donner une timbale à son filleul. Pauvre petit M. Daubry, se mit à gémir Beachy à cette pensée. Et Boyne, reconnaissant la valeur de cette difficulté, reprit. Agamemnon, alors, c'est presque aussi vieux qu'Adam. Ceci amena une discussion avec Terry sur l'antiquité relative de la Bible et d'Homère, tandis que, dans les intervalles, l'institutrice ne cessait de jeter avec désespoir. « Mais qu'est-ce que c'est que cette dispute, puisque nous savons tous qu'Adam est le premier homme ?» Judith souleva la tête. Les yeux toujours à demi-clos, elle se mit à murmurer à la face du ciel. « Monsieur Daubry, ça doit lui être bien égal qu'Adam soit son parrain ou non. Il a de quoi se payer toutes les timbales qu'il veut. Ce doit être un monsieur très riche. « Tu crois qu'il nous donnera un petit souvenir en partant ?» conclut aussitôt Zini qui avait sa marotte. « Qu'est-ce qui te dit qu'il s'en ira ?» fit Judith en fermant les yeux. « Hannibal, Hannibal, ça commence par un A. Je le sais bien puisque c'était un prince de ma famille, » s'écria Bun en retournant d'un saut dans la partie.